Doublette suivante qui va nous permettre de diffuser la première nouveauté dans l'émission de ce soir. Mais tout d'abord, Ascended Dead, formation ricaine qui nous fait du Death, Blackening Death, hein, Eventfall of the Apocalypse. C'est le nom de ce... hein ? Oui, si ? Je crois que j'ai dit une bêtise. C'est le nom de ce second effort studio. Une sortie sur le Ultra Kali 20 Backspin Record. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une femme qui tient le micro dans Ascended Dead. Non ? Bon, je dis une bêtise alors. Eventfall of the Apocalypse, donc nouvel effort studio. On s'écoutera le morceau Inverted Ascension. Ascension, pardon. Et après, retour sur une formation européenne, Legion of the Damned. Ça fait partie de ces groupes que j'écoutais il y a 15 ans en fait. Ça fait mal. Parce que c'était du trash death assez primitif, plutôt cool. Et en fait, ça tourne à mort en rond à Legion of the Dance. Ça décolle pas. J'ai pas du tout écouté ce nouvel effort studio, donc je vais le découvrir en même temps que vous. The Poison Calice, c'est donc nouvel effort studio des Hollandais de Legion of the Damned. Et on va s'écouter le titre de l'album. C'est une avant-première, ça sortira le 9 juin chez Napalm Records. Ascended Dead, enchaîna Legion of the Damned. 21h15, bientôt à la pendule de Radio Béton. On vient pas juste de commencer l'émission, hein. On a attaqué aux alentours de 20h. On est encore ensemble pendant près d'une heure et demie. Et on passe à la doublette suivante avec encore une nouveauté. Avec Dissectulkandra, pardon, excusez-moi, j'ai encore glissé. Tulkandra, formation de Melodic Black Death, ça nous vient d'Allemagne. Le groupe existe depuis début des années 2000. Le premier album a vu le jour en 2010. Et c'est un des groupes les plus fidèles à l'héritage de Dissection. C'était un peu outrancier au début, hein, d'ailleurs. Le groupe n'a pas vraiment sa propre identité, puisque l'identité, c'est Dissection. Mais le groupe cartonne toujours en termes d'efficacité, d'exécution. Et voilà, c'est vraiment Dissection Legacy par Tulkandra, au niveau des ambiances, des instrus, du chant et même des visuels. Hein, on est toujours sur une faucheuse avec du bleu et du blanc. Hail the Abyss, c'est le nom de ce 4 ou 5e effort studio de Tulkandra. Une sortie Napalm Records, l'album est déjà dispo. On va s'écouter d'ailleurs le titre de l'album. Et ensuite, on va entrer dans l'aspect française avec SUP, formation d'avant-garde death metal qui nous vient du nord de la France. Ils sortent... Si vous avez suivi un peu le méli-mélo entre SUP, Suppuration, etc., ils nous sortent un nouvel effort studio, cette fois sous le nom SUP, intitulé Octa. On est toujours sur du Death plus, et on s'écoutera le morceau Atramentus Si. C'est parti! We'll be right back. 21h25 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure de rouvrir le micro de l'ami Thibaut, qui est en stand-by depuis tout à l'heure, pour nous présenter le deuxième focus de l'émission de ce soir, et deuxième gros morceau. Ouais, deuxième gros morceau, et surtout deuxième, entre guillemets, non-prise de risque dans les sorties, parce que c'est un groupe qui a prouvé sa qualité de façon assez indéniable sur la scène française. Oh bah c'est du black metal en plus. Et du black metal français, oh. Incroyable. Oh bah, c'est quoi ce label? Oh. Ah, dis donc. Oh, les acteurs de l'ombre en plus. Avant d'aller se faire spoiler. Loin, Moonraish, le groupe parisien qui s'est formé en 2008, ils nous sortent leur cinquième album. C'est un groupe que je suis depuis quelques années maintenant et qui m'a jamais déçu en termes de qualité. C'est un groupe qui a toujours progressé dans ce qu'il proposait. À l'origine, c'est un projet solo du dénommé Wedir. Arthur pour les intimes. Ouais, ou Arthur, excusez-moi, je le connais pas personnellement. Guitariste et chanteur actuel. Il sort un premier album en 2011, Loi Martiale, qui est sympa, plutôt mélodique, c'était déjà un très bon début. De souvenir, c'est le seul de la discographie qui sera chanté en français, puisqu'assez rapidement ils passeront à l'anglais dans leur texte. Malgré le fait que ça soit un très bon album à écouter, ça reste relativement amateur dans l'approche et la composition. Ça, comme son nom l'indique, Loi Martiale, ça traite un petit peu de la guerre, ouvertement de la guerre. Et voilà, dans la musique, on va retrouver cette approche un petit peu martiale, mais qui sera largement exacerbée sur l'album suivant, en 2013, Terribilis Est Locus Iste. Un album frontal, sans concession. Vraiment, c'est violent, froid, cru, une très très belle pièce à écouter pour les amateurs du style, ceux qui aiment du black metal, on va pas dire du war black, mais warisant, on va dire, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage vraiment de froid. Ça traite de la guerre dans sa version la plus crue, la plus absurde et la plus peut-être terre à terre dans ce qu'il propose, et c'est un album qui est génial à écouter. En 2015, ils enchaînent avec Pillars of Detest. Détestes. Plus riche, on perd un petit peu de cette violence gratuite qu'il y avait dans l'album précédent. On gagne un petit peu en richesse et en arrangement et tout ça dans la musique, mais ça reste toujours très martial, très puissant à écouter. J'enchaîne. Hein. En 2018, il sort Fugue, un album bien plus moderne dans leur approche. On ressent une espèce de de French Touch qui va apparaître dedans, là où les albums précédents, je trouve, avaient une vibe suédoise, presque, dans ce qu'ils proposaient. En tout cas, nordique. Je dirais peut-être pas suédoise, mais en tout cas nordique dans ce qu'ils proposaient. Et là, on a cette espèce de French Touch qui arrive. Et c'est un album qui, pour moi, a marqué une bascule dans le groupe. Et c'est aussi un album qui m'a... en fait, donc l'album juste avant, ils ont signé chez les Acteurs de l'Ombre. Et je me souviens à l'époque, quand ils ont signé chez les Acteurs de l'Ombre, je me suis dit, tiens, c'est étonnant venant des Acteurs de l'Ombre d'avoir quelque chose d'aussi martial, d'aussi brut dans le son. Ils avaient plutôt une tendance à aller vers du black, post-black, avec des choses très modernes. Et là, on avait un son qui était cru, qui venait du Nord, qui était un petit peu déstabilisant par rapport à ce que proposaient les Acteurs de l'Ombre. Et là, ce nouvel album qui était sorti également sur les Acteurs de l'Ombre proposait ce que les Acteurs de l'Ombre proposaient réellement. Plus standard. Ouais. Voilà, beaucoup plus standard dans la discographie. Et je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi ils avaient leur place sur ce label. Voilà, je reprends mon album. Ah oui, j'en étais là. J'allais dire, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau? Oui, si, ouais. Tout à fait. Extrait de l'album. Et du deuxième album, Telebiris Est Locus Iste. Chant for Darkened Gospel. Ouais, terriblement froid, violent et cru, bien, bien martial comme il faut. C'est un des morceaux qui, pour moi, ressort le plus de cet album, qui est le plus vénère de leur discographie. Et c'est parti, Moonreich. We'll be right back. Retour à l'antenne pour attaquer la deuxième partie de ce focus consacré à Moonreich, après un extrait donc de leur album Terriblis Est Locus Iste, pour nous renvoyer 10 ans en arrière. Ouais, complètement, et du coup avec cette première période du groupe qui était terriblement froide, martiale et vénère comme jamais, ils se sont un peu calmés par la suite en proposant un black metal ô combien plus riche, mais également un peu plus abordable, un peu plus facile à écouter que ce qu'ils proposaient précédemment. C'est pas du tout un reproche, parce qu'ils ont vraiment gagné dans leur composition. Donc je réenchaîne, donc là on était en 2018 avec la sortie donc du précédent album Fugue. Entre temps ils ont sorti, donc entre le nouvel album qui vient de sortir là à l'instant et Fugue, ils ont sorti un EP qui est globalement très très bon. On en parlait un peu en off, qui est accompagné d'une cover absolument magnifique de Depeche Mode, du morceau Broken de Depeche Mode, qui nous fait une réinterprétation black metal avec un chant clair par-dessus du morceau, et c'est absolument saisissant. Moi je l'écoute, c'est un morceau vraiment que je réécoute régulièrement, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de leur cover. Je suis d'habitude pas toujours très très réceptif aux covers, mais là pour le coup il y a un travail assez monumental de réinterprétation du morceau qui est très très chouette. Donc allez écouter ce morceau. Voilà, puis cette EP s'inscrit vraiment dans la continuité de Fugue qui était sorti en 2018. Et là, sur l'album de 2023, on passe encore à autre chose. Ouais, complètement. Donc Amer qui vient alors quand même dans la continuité, c'est-à-dire qu'on reste sur un black metal relativement moderne dans ce qu'il propose. Globalement, je m'arrête très rapidement sur le line-up de Moonreich, qui est un line-up qui est dans la consanguinité parisienne totale, avec des membres qui gravitent autour d'autres projets assez classe de la scène française. On a notamment The Negation, Pensée Nocturne, Glorior Belli ou Asyard, pour citer très rapidement les grands noms de la scène parisienne dont on a des membres qui sont ou ont été membres de Moonreich. Donc c'est tout un petit monde de groupes de grande qualité qui se renifle le derrière. Et voilà, c'est assez... Il n'y a aucune surprise d'avoir un projet aussi solide quand on voit les icos qui gravitent tout autour. Le visuel, il est réussi. C'est pas forcément ce que je préfère personnellement, donc ce nouvel album Amer. Mais voilà, on sent que c'est ultra travaillé. Et c'est une pochette black metal sur fond blanc, c'est assez original pour en parler, mais c'est vrai qu'on a un black metal qui est proposé sur totalement une pochette sur fond blanc avec un visage, c'est un crâne qui est dans un cadre... Une espèce de figure géométrique, ouais. Un peu végétale. C'est ça, c'est très réussi, c'est pas forcément ma grande cam en termes d'œuvre, mais je la trouve vraiment réussie. C'est de nouveau donc une sortie, comme je le disais, une sortie des Acteurs de l'Ombre. Ce nouvel album, il se fait encore plus moderne, mais plus massif également. Moins cru, bien entendu, que ce qu'il proposait précédemment. On s'aventure parfois dans quelque chose de complètement contemplatif, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir dans le travail de Moonreich, même si on sentait cette approche-là arriver un tout petit peu dans l'EP Warm God. On n'avait pas vraiment ce côté où des fois l'album prend son temps, il se pose, il crée une ambiance. Il y a quelque chose de presque beau qui en ressort. Et bah, du coup, on perd, je trouve, là, réellement l'aspect martial du groupe qui disparaît totalement des compositions pour faire place à quelque chose d'un petit peu plus... alors, atmosphérique, c'est pas le mot, mais en tout cas, contemplatif et introspectif. Ça pourrait ne pas plaire aux amateurs des premières heures du groupe, je l'entends complètement. Parce que quand tu recherches quelque chose de violent, ce nouvel album, il peut te décevoir à ce niveau-là. Mais clairement, quand tu cherches quelque chose de moderne dans le black metal français, avec cette French touch, avec quelque chose qui apporte globalement à la musique black metal, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur quelque chose, faire du old school pour faire du old school, c'est vraiment un album qui est terrible là-dessus. On a un final qui est grandiose, lancinant, introspectif, sur un morceau qui dure 13 minutes. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est une conclusion parfaite pour un album qui est encore une fois terriblement réussi et qui ne fait que grandir la discographie du groupe. Tout à fait. Alors là, on est sur un album un peu plus court que les précédents, qui avoisinait les 50 minutes, on est sur une quarantaine de minutes. une tracklist plus courte, 5 titres, mais comme tu l'as dit, un morceau de clôture qui dépasse les 13 minutes. Et les morceaux sont globalement très longs. Il y en a qu'un qui fait 5 minutes, sinon les autres sont autour des 8 minutes. Voilà, ça laisse le temps de dérouler et de se poser, comme tu disais, dans la contemplation musicale de l'évolution de Moonreich. T'as choisi le titre de l'album, Amer, à s'écouter ouais. Tout de suite. Ouais, complètement. Après, c'est... Comment ? Un peu par défaut, dans le sens où on est quand même sur la quatrième diffusion sur l'album. Mais on va dire par défaut, oui et non, dans le sens où, de toute façon, c'est un album qu'il faut écouter en entier. Eh bien, c'est parti, Moonreich, avec un extrait donc, de leur dernier effort studio pour clôturer le focus de ce soir. Hop, bah retour à la diff française après ce solide focus de Moonreich avec bah, sur la doublette suivante, Liquid Flesh tout d'abord, formation grenobloise, on est sur du death, voilà, bête et méchant, très bien fait cependant. Intitulé Dolores, ce troisième effort studio, il est déjà disponible, sorti depuis quelques temps, et je crois que c'est la deux ou troisième diffusion que l'on en fait de ce Liquid Flesh. Au niveau des influences, on est sur du ouais, Death Gordes, hein, Nécrophagia et Autopsie, dégoulinant juste comme il faut. Et ensuite, nous aurons Eurydice, on est sur du Black Knight Hardcore qui nous vient de Lyon. Ils viennent là de sortir leur tout premier EP. 4 titres pour une dizaine de minutes de musique. Voilà, ça va vraiment chercher dans l'équilibre du black et du hardcore. Hein, vous imaginez du black avec des gros breaks. Et voilà, le groupe a déjà eu l'occasion de partager la scène avec des formations telles que Iron Deficiency et Cavalry. Liquid Flesh, le titre Sans Relâche. Eurydice, le titre Eurydice, extrait de l'EP Inner Contemplation. C'est parti. Voilà, c'est bien Krakara, Eurydice. On continue dans l'aspect française avec Ville Ardente, projet black metal français dans la plus pure tradition, dans lequel on retrouve des membres de FT17. J'ai pas pris le temps plus que ça de creuser un peu l'ambiance, la thématique, etc. Ville Ardente, chemise noire, etc. Bon, ça se veut... assez, donc je sais plus si j'ai déjà dit, hein, un groupe entre Paris et Nantes, actif depuis 2001. Le premier album vient de sortir après un EP qui a vu le jour en 2022. Au passage, signé, distribué par le label France Black Death Grind, qui ces dernières années est devenu un média, un webzine plutôt présent sur les réseaux sociaux. Voilà, il s'intéresse vraiment à toutes les tranches du metal extrême, et puis bah voilà, les chroniques, les live reports, etc. C'est plutôt bien foutu. Au niveau du line-up de Ville Ardente, on a donc un trio de base avec deux membres de FT17, et le groupe a été également impliqué dans Vosegus, et on retrouve aussi un membre de Circle of Hell. Le thème donc abordé, c'est pour ça que j'ai pas creusé plus que ça, ce serait l'histoire de l'Italie au cours du XXe siècle, période des années de plomb. Voilà, et c'est inspiré de différentes personnalités italiennes sur cette période-là. Voilà, en fait, track par track, sauf la sixième, tiens, c'est voilà, quatre personnalités italiennes différentes concernées par cette période de l'histoire italienne. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin que ça. On s'écoutera le titre Terre Rouge, et après ça Spin Breaker. Voilà, là ça nous fait sortir de l'aspect française, puisqu'on passe à un groupe de hardcore death venu de Californie. Spin Breaker, ça casse bien des gueules. Actif depuis une dizaine d'années maintenant, voilà, le groupe sort là son nouvel effort studio. On retrouve encore une fois un groupe de death hardcore ricain avec des ex actuels membres de Gulch, notamment le chanteur. Voilà, c'est baveux, c'est crado, ça break, c'est death et c'est ultra cool. Spin Breaker, Cavern of Inoculated Condition, Ville Ardente, Spin Breaker, c'est parti. Spin Breaker, on s'écoutera le titre Spectral Forge.